entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, alors nous revoici ensemble ce mardi de midi à 13h. L'association Ralentir pour vivre, une association qui a pour but de parler de l'épuisement, si on parlait un peu anglais ça ferait burn-out, voilà. Et là, depuis le début septembre, nous avons choisi de faire une émission sur le burn-out parental. Alors, le burn-out en lui-même, c'est la pression sur le long terme. Le burn-out parental, c'est exactement la même chose. Je tiens quand même juste à dire que, en faisant des recherches sur le burn-out parental, j'ai trouvé que la médecine disait que ce n'était pas une maladie, que c'était une tendance de société. Très bien, Lia, qui est avec nous, responsable et directrice des programmes de Radio Gémozo. Bonjour, Catherine. Bonjour. On dit déjà à nos auditeurs qui peuvent nous joindre sur le 03 29 62 40 40. Parfait. Et on les attend avec impatience. Et oui. Ensuite, qu'on a une page Facebook. Radio Gémozo, Gémozo ou la tienne, Ralentir pour vivre. Abo, voilà. On vient de me demander c'est quoi Abo, anti-burnout. Tout à fait. Voilà. Et donc, que vous interveniez, ce serait un plus. Mais oui. Ce serait bien en parler. Lia. Ben oui, c'est très important de délier la parole, de briser les tabous. Et puis ça aide à aller plus loin, oui. Ouvrir sa conscience. Parce que quand on parle des choses, parfois, même si on pense savoir de quoi on parle, on diffuse un ressenti et finalement on se dit « Ah ok, on a une propre compréhension de nous-mêmes quand c'est on ça. Parle ». D'autant qu'en premier lieu, le burn-out n'est pas une maladie. En tout cas, dans l'association, on le dit comme tel, que l'individu n'a pas à se sentir coupable d'avoir été victime de ce qu'on appellerait, nous, plutôt un accident. Mmh. Et que le burn-out, ça développe différentes catégories de maladies. Donc, ça ne peut pas être en soi une maladie. Ça dépend des faiblesses de chacun au point de vue corporel. Tout à fait. Ça, c'est important. Et donc, le burn-out, pour nous, dans l'association, c'est une tendance de société. Ouais. C'est-à-dire une maladie de société. On se la répète une fois, Lia. le culte de la performance. Il faut être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Je ne sais plus quel était ce film où il y avait un acteur qui disait « Je vais être le meilleur des meilleurs des meilleurs voilà. ». Je ne sais plus. Moi non plus, mais il a 30 ans, il date. Ensuite, la concurrence exacerbée, je fais un croche-pied à mon collègue dans l'escalier pour arriver avant lui. Mmh. Le culte de l'urgence, Lia. Toujours plus vite. Hein, et puis faites-moi pour hier ce que je vous avais demandé pour demain, par c'est exemple. Ça. On va être correct. Et la manie d'évaluation. Alors moi, je dis toujours, le drap que vous avez acheté, on vous demande s'il est bien doux, la bonne couleur, enfin d'autres évaluations. Mmh. Je pense que tu en as aussi à chaque fois que tu achètes quelque chose. Je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé la maillot onctueuse? J'en sais rien. Voilà, on va pas lui répondre. Écoute, je vais pas dire le mot, mais laisse-nous manger notre maillot tranquille. Tout à fait. Voilà, donc la manie d'évaluation. Pour des produits, ça peut être entendable. Pour l'être humain qui n'est pas un produit, c'est plus compliqué. Tout à fait. Donc revenons à notre sujet, le burn-out parental. Alors, il a l'air d'être un grand tabou d'ailleurs. Alors là, Lia, ça fait 15 jours. Oui. Que je pédale, on va dire, dans la choucroute, parce qu'on peut s'imaginer en train de pédaler dans de la choucroute, comment on avance, pas beaucoup. Oui. C'est tabou 3 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus que le burn-out réel. Oui. Donc le burn-out professionnel ou même dans les activités de l'individu, c'est tabou. Mais alors le burn-out parental, c'est vraiment l'omerta. Oui. Total. Parce que ça implique les enfants. Ça implique les enfants. Voilà, ça implique la façon dont on traite nos enfants. Et j'imagine que parfois, ça peut être compliqué d'aller au-delà du déni, déjà. C'est ça. Et en plus, d'accuser le coup que parfois on... C'est compliqué. Ouais. Et en même temps, c'est la responsabilité du parent de se trouver, en fait, devant un fait accompli, il a voulu cet enfant, il a aimé cet enfant était important pour lui, et donc il est devant une responsabilité qui est forte, qui est lourde. Et puis je trouve encore une fois qu'on idéalise trop la parentalité. Oui. On en avait déjà parlé la dernière fois, dans les films, on voit l'accouchement, tout se passe bien, la maman accueille son bébé, c'est génial, tout le monde est heureux. Ah, le papa est souriant à côté, il tient la main. On oublie les cas de figure où le papa s'évanouit à côté, ça on oublie, hein, ou qui part en courant en hurlant « Maman, maman, maman hein, », c'est le cas de le dire. On oublie ça et on oublie la femme qui dit « Mais je vais te tuer au moment où elle accouche parce que c'est une douleur qui est violente. » Et c'est une douleur qui est très violente. Et puis en plus, il y a aussi parfois le lien qui ne se fait pas directement avec l'enfant. Il y a aussi postpartum. Ouais, le postpartum, voilà. Donc c'est une affaire bien plus compliquée que ce qu'on veut l'entendre, la parentalité. Oui, et puis quand on regarde bien dans le sens tendance de la société, ça ressemble énormément à une société qui est dans le mental. Ah ben ça. On intellectualise tout. C'est-à-dire tout doit être pensé. On ne ressent plus les choses. Parce que là, le burn-out parental, en fait, c'est ne plus ressentir une place pour soi et ressentir la place qu'on doit donner à l'enfant. On l'intellectualise, on le mentalise et puis ça devient une espèce de fardeau. Ça devient très lourd. On va écouter une audio qui est très longue, qui dure 10 minutes, mais à mon sens, qui m'apparaît comme étant essentielle et cruciale, et qui va parler de la bébicratie. Alors, la bébicratie, c'est vraiment particulier. Et c'est donc Bruno Humbeck qui parle du bonheur qui devient une obligation, c'est-à-dire de la transformation entre nous voulons un enfant, puisque au XXIe siècle, nous pouvons dire nous voulons un enfant, et l'obligation d'avoir cet enfant. Ou on va le dire autrement, j'aime beaucoup comme les populations indiennes et autochtones, enfin autres, qui disent pas j'ai un enfant, qui disent je suis maman. C'est le verbe « être ». Donc, je suis maman, ce n'est pas la possession « j'ai un enfant ». Donc, je suis maman ou je suis papa. Et donc, la bébicratie qu'on a dans nos pays occidentaux est en train d'étouffer complètement la nature réelle de la relation parent-enfant. On écoute. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeck, psychopédagogue, qui vient de publier aux éditions Renaissance du Livre un livre justement intitulé « Bébicratie ». Alors, Bruno Humbeck, bonjour. Bonjour. C'est quoi cette bébicratie ? Bébicratie, c'est un terme qui est issu d'un autre néologisme qu'on appelle l'apicratie. L'apicratie, c'est l'injonction à l'euphorie perpétuelle. Le fait que le bonheur est devenu envahissant, est devenu une obligation pour chacun d'entre nous, et que c'est d'ailleurs une obligation qui se monnaie, hein, puisque dans une bébicratie, vous allez payer très cher pour être heureux. Le bébicratie, c'est l'idée que votre enfant, effectivement, doit nécessairement être heureux, content tout le temps, satisfait en permanence. Dans les contextes qu'on connaît d'hyperparentalité, c'est évidemment devenu une astreinte que beaucoup de parents se donnent à eux-mêmes, pour le meilleur quand ça se passe bien, mais pour le pire aussi quand c'est difficile à vivre et quand ça introduit de la tension dans la relation éducative. Avoir un enfant tout le temps content, satisfait en permanence, c'est non seulement impossible, mais généralement très peu souhaitable. La joie continue, que la pédagogie positive, par exemple, va nous vendre hein, comme étant quelque chose de nécessaire sur le plan de l'éducation, qu'elle soit familiale ou scolaire, ça produit des parents épuisés, ça produit des enfants qui ne perçoivent plus où sont les limites, parce qu'effectivement, ben, l'émotion dans laquelle on veut les faire grandir, la joie continue, est considérée comme étant la seule émotion qu'ils peuvent explorer. T'as pas à être triste, on t'a pas mis au monde pour ça. T'as pas à être en colère, parce qu'on fera tout pour que tu sois jamais en colère. On se plie en quatre pour que tu ne sois pas. Surtout éviter toutes les expériences de peur. Et on va être dans cette injonction à l'euphorie perpétuelle qui épuise tout le monde, qui épuise le parent, hein, d'où l'impression de burn-out parentaux de plus en plus fréquent, mais qui aussi épuise l'enfant. Être tout le temps content, satisfaire à ce besoin qu'ont les parents d'avoir des enfants éternellement joyeux, mais le démontrant aussi, ça crée un épuisement éducatif absolu contre lequel, effectivement, il faut se prémunir parce que nos enfants doivent être tristes de temps en temps. C'est indispensable pour qu'ils puissent comprendre le monde et réagir dans ce monde. Ils doivent avoir peur, c'est-à-dire si on les prive de toutes les expériences de peur, ils vont se les créer eux-mêmes. Ce qu'on explique par exemple l'appétence très forte des adolescents pour les thrillers. On a essayé de les faire vivre dans l'idée qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, et ils vont se précipiter sur des films de zombies, des tas de trucs qui vont leur faire peur, qui vont leur permettre d'apprendre à savoir qui ils sont face à la peur, ce qui est l'expérience qu'on doit réaliser chacun en tant qu'être humain. Même chose pour toutes les autres formes d'expérience. Donc c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que le champ émotionnel, il doit être vécu dans sa totalité. C'est un apprentissage essentiel que l'enfant doit faire. Il doit aussi apprendre que ses parents ont aussi des émotions. Et une des caractéristiques, effectivement, des babycraties, c'est qu'on va vous dire qu'il faut que vous deveniez des parents zen. Surtout, ne soyez plus jamais en colère. Ne montrez plus d'émotions, vous. Tout ce qui compte, c'est votre enfant. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait, je respirais plus. D'une part, c'est dangereux de refuser ses propres émotions. C'est aussi très invalidant sur le plan de la communication de ne pas communiquer à son enfant qu'on vit des émotions. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous venez de repeindre votre salon. Vous avez mis des heures à peindre, c'est superbe. Et votre petit garçon, votre petite fille de 4 ans, il vient l'idée saugrenue pendant que vous prenez votre douche de faire un facsimilé des grottes de Lascaux. C'est-à-dire, en gros, il met ses mains dans la peau de peinture et puis il plaque ses peintures sur le mur. Si vous lisez certains bouquins trop rapidement écrits de pédagogie positive, on va vous dire que vous devez rester un parent zen. Vous allez donc descendre et expliquer à l'enfant qu'effectivement, vous ne voulez pas contrarier ses pulsions artistiques, mais que vous auriez préféré qu'elle vous sollicite avant de prendre l'initiative de... Évidemment qu'il va manquer un message terriblement important, c'est que tu viens de mettre ton père en colère. Et donc, si vous êtes en colère, exprimez cette colère. Ça veut dire ne vous laissez pas guider par elle. Le but du jeu n'est pas de laisser libre cours à toutes les émotions, mais exprimez-la, dire à son enfant, tu sais, papa est très en colère, avec un visage qui mime l'impassibilité, eh bien, c'est mutiler la communication du part essentiel. Ce sont ces dérives-là qui sont celles qui sont liées à la babycratie avec des parents complètement déboussolés, moi, que je vois très régulièrement dans mon bureau, qui n'en peuvent plus, qui craquent. Parce qu'effectivement, ils ont voulu être des hyper-parents, donc mettre au monde des enfants heureux, tout le temps heureux, en permanence contents, et ils se rendent compte, effectivement, que c'est tout à fait contre-productif, que les crises de colère de leur enfant, par exemple, ils n'arrivent plus à les gérer. Petite scène typique de la babycratie, une scène réelle, qui est reproduite dans le livre. Un petit garçon vient de faire 5 tours de manège. Et puis sa maman estime que c'est suffisant. Et il se met à faire une crise pas possible parce qu'il veut un 6e tour. La maman se met à genoux et dit « J'accueille ta colère ». Alors ça fait peur, parce qu'effectivement, on est dans un message. Cet enfant, évidemment, sentant sa toute puissance, ne pas avoir de frein, multiplie la crise de colère et l'intensifie au point que la maman va craquer et il va faire son 6e tour. L'enfant comprend que sa colère est terriblement opérante sur sa maman et surtout, il n'apprend pas à exprimer ses émotions d'une façon socialement acceptable. Troisième apprentissage défaillant aussi, mes émotions, quand je les exprime d'une façon socialement peu acceptable, ils génèrent des émotions chez les autres. Si je mutile tout ce répertoire émotionnel, je vais mettre en place les conditions de ce qu'on appelle une démocratie. C'est pour ça que la babycratie est dangereuse. Elle met en place les conditions d'une démocratie, c'est-à-dire une société dans laquelle l'émotion est toute puissante. C'est tout à fait différent d'une démocratie émotionnelle participative. La démocratie émotionnelle participative, c'est dit, vos émotions sont importantes, elles sont fondamentales, on ne va pas les contester, mais celles des autres le sont tout autant que vous, que la vôtre. Une démocratie, c'est votre émotion est toute puissante. Et on voit les dangers d'une démocratie, c'est-à-dire des personnes qui se mettent à voter uniquement sur base d'une émotion. Ça permet parfois d'avoir des malades mentaux à la tête de puissance mondiale. Les États-Unis ont voté sur une émotion dans un premier temps, pas la colère, mais le dégoût. Les Américains étaient tellement dégoûtés qu'ils ont voté pour une personne sur base de cette émotion-là. Et puis, ben, Trump ayant bien compris qu'il ne pouvait pas surfer deux fois sur la même émotion, là, il a généré des peurs. Il a dit maintenant, vous avez peur, votez pour moi, vous aurez moins peur. L'émocratie, c'est celle-là. Ça fonctionne chez chacun d'entre nous. Beaucoup de nos opinions sont générées par des émotions. Petite recherche qu'on a réalisée à l'université, on montre un petit enfant mort sur une plage. Et vous mettez en arrière-fond un bateau avec des réfugiés dessus. Vous demandez aux gens, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart des gens vous disent, on les fait accoster, on ne les laisse pas dans l'eau. Un enfant mort, c'est absolument intolérable. Faites les mêmes expériences un mois après avec le même groupe. Vous mettez la même photo d'arrière-plan, mais vous mettez un terroriste en avant-plan. Vous allez voir que les opinions vont changer très très fort. C'est-à-dire que l'émotion va générer une autre façon de se positionner face au monde. Dans un premier temps, c'était la tristesse ou la colère. Dans un second temps, c'est la peur. Eh bien, ça génère des émotions. Une émocratie, ce sont des émotions toutes puissantes. Quand on apprend à nos enfants que leurs émotions sont toutes puissantes, on met en condition de réalisation de ces émocraties. Quand on leur dit, ton émotion est importante, mais celle de papa et de maman, l'est tout autant, celle de ton frère, celle de ton cousin, toutes les émotions sont importantes. Là, vous mettez en place les conditions d'une démocratie émotionnelle participative. Et comment est-ce qu'on explique justement l'émergence d'un phénomène comme la bibliocratie ? Alors, le fait que Kratos ne savait plus très bien sur quoi se poser. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie est en péril parce qu'on ne sait plus où mettre le pouvoir. Et ce pouvoir, ne sachant plus où se poser, et effectivement, dans une société, d'ailleurs en crise de foi, hein, dans laquelle c'est plus l'enfant divin, c'est l'enfant roi, c'est l'enfant Dieu. Et donc, vous avez effectivement une tendance à focaliser autour de l'enfant, qui devient le personnage central de l'évolution de nos sociétés. Et autour de ça, on va mettre le bonheur comme principe majeur. Et on va vous dire, hein, dans un monde absurde ou dans un monde dans lequel le néant a pris toute la place, ce qui est important, c'est au moins d'être heureux. Dans le monde en crise de foi, par exemple, eh bien, le bonheur terrestre va prendre le pas sur un éventuel bonheur ultérieur. Et donc, vous aurez une tendance à privilégier toutes les voies d'accès vers ce bonheur immédiat, sans limite, qui permet, dans un monde qui n'aurait pas de sens ou pas de signification, qui permet de trouver de quoi survivre. Si vous mettez l'enfant au centre du dispositif, c'est le bonheur de l'enfant qui se met au centre du dispositif. Et si vous en faites un argument de pouvoir, de puissance, d'autorité, un argument d'autorité, on le voit, l'enfant a beaucoup d'autorité actuellement. Hein. Il suffit de voir comment une jeune fille de 16 ans peut, à un moment donné, par un discours autoritaire, forcer un ensemble d'adultes à ne même pas contre-argumenter, c'est-à-dire à baisser la tête en acceptant que la toute-puissance est donnée à l'enfant, le pouvoir absolu et l'autorité complète. Quand vous avez l'autorité, le pouvoir et la puissance qui sont en collusion, vous avez les conditions, effectivement, d'un déménagement de cratie, c'est-à-dire, là, dans ce cas-ci, la bébicratie a toutes les chances d'émerger. Bruno Humbeck, merci beaucoup. Donc, je vous invite à découvrir ce livre « Bébicratie » paru aux éditions Renaissance du Livre. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt. Voilà, donc là, on a parlé de la bibicratie, ce qui est en quelque sorte pas vraiment une démocratie, c'est plutôt, on va dire, une dictature d'être parent qu'on s'est infligé parce qu'on a décidé d'être parent et qu'ensuite, il y a toute cette difficulté de pouvoir assumer au jour la journée cette dictature quelque part. Et ça, on peut le comprendre, surtout que peut-être plus ces dernières années, quand je parle du burn-out parental, alors je pense qu'on en a plus ou moins tous fait parce que depuis les générations de femmes qui ont dû aller travailler, ça a toujours été un peu dur, on est d'accord. Maintenant, on le faisait sans le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la pression de la société pour que notre enfant soit parfait. C'est ce que je m'étais fait comme réflexion juste avant, là où je me dis, est-ce qu'au final, ce burn-out parental, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui... C'est une pression sociétale aussi. Est-ce que le fait d'être... de vivre dans un monde qui va de plus en plus vite, qui te demande d'être performant dans tous les domaines. Mmh. Est-ce que finalement, c'est pas une conséquence, quoi, oui. Un dommage collatéral, finalement? C'est ça. C'est exactement comme ils veulent le faire passer, comme une tendance de la société. Et dans la même corbeille, mmh. on peut mettre le burn-out. Dans la totalité, c'est une tendance de société. Mmh. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui demandent, oui, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on a fini? Quand est-ce qu'on est sorti du burn-out? Et je reste toujours perplexe à cette question. Je regarde les gens. Souvent, je prends 3 respirations. Hein, là, on en est à une deuxième, une troisième. Et puis, je réponds, on peut prendre conscience, faire en sorte de, se promener un petit peu, d'être un peu à l'extérieur, c'est-à-dire reprendre des thérapies relaxantes, sortir, même dans le burn-out parental, confier les enfants aux grands-parents, faire d'autres choses. Mais dans le fond, on est tous dedans. C'est une tendance de société. Mmh. Ce pourquoi il y a peut-être des gens qui s'éloignent de plus en plus des villes, des complexes où on est vraiment enclavé dedans. Il faut s'aménager du temps pour soi, en fait, et se déculpabiliser de ça, en fait. C'est vrai que on mélange beaucoup... L'altruisme, c'est super, je veux dire, penser aux autres, être dans des bonnes œuvres, voilà, donner de son temps, etc. Mais on peut pas être un bon individu, un bon citoyen, et être bien avec soi-même déjà, avant d'être quelqu'un de bien, et déjà être bien avec soi-même, si il n'y a pas de... Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi. Mais le problème qu'on a dans l'association pour essayer de faire parler les gens d'un sujet tabou, parce que, comme je disais tout à l'heure, le burn-out en lui-même est tabou, mais alors le burn-out parental, c'est l'omerta, hein. C'est-à-dire vraiment, on n'en parle pas, et surtout, là hier, j'ai croisé une dame qui avait eu un burn-out, après elle avait divorcé, et ensuite elle m'a dit, j'ai fait un burn-out parental. Alors, dès qu'elle m'en a parlé, j'ai dit, ok, elle ne raconte pas d'histoire. Elle m'a dit, je suis arrivée à un moment donné où je n'appréciais même plus la présence de mes enfants. Donc ça, c'est un des symptômes essentiel dans le burn-out parental, c'est quand même être avec nos enfants n'est plus un plaisir. Ça devient le gros problème. Mmh. Et là, on peut dire qu'on est rentré dans le processus. On va dire ça comme ça. Alors, on lui a dit de s'occuper d'elle. Seulement, je reviens sur ce que tu as dit, il y a s'occuper de soi dans la société, en tendance de société, c'est de l'égocentrisme, c'est un manque d'écoute des autres. On a aussi complètement... rendu opaque cette partie de nous-mêmes qui a besoin de se recentrer et d'être en soi. Et on ne veut pas le montrer, ça, parce que ça ne se fait pas. C'est amusant, parce qu'on s'est bagarré pendant des années sur la société d'avant les années 60, que j'ai connu, en tout cas, le changement, parce qu'on disait, oui, mais on n'a pas le droit, par exemple, d'être homosexuel, parce que ça ne se fait pas. On n'a pas le droit d'habiter avant le mariage, parce que ça ne se fait pas. Donc, on a fait tomber ces barrières. Oh, très bien. Moi, je trouve ça très bien, parce que on est qui on est, si on est homosexuel, si on veut vivre avant le mariage, je vois pas où est le problème, chacun ressent la chose. Par contre, on en a créé d'autres. Mmh. On n'a pas le droit de penser à soi en premier, parce que sinon, on n'est pas altruiste. Ben ça, c'est grave. Et on mentalise énormément, comme tu le disais au début, hein, on est coupé de nos propres ressentis, et ça, encore une fois, c'est un effet de la société. Hein, si on veut être centré, en harmonie, on passe tout de suite pour quelqu'un de trop spirituel, loufoque, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ces aspirations-là. On peut l'être ou on peut ne pas l'être, on s'en fiche. Ce qu'il y a, c'est qu'on réfléchit toujours à demain, à après-demain, à la semaine prochaine, on n'est plus du tout dans l'instant présent. Ça n'a rien de spirituel de dire ça, mais c'est avec les enfants, c'est pareil. Et je pense que le gros problème, c'est que quand on est en burn-out, c'est un rapport avec nous-mêmes. Alors bien sûr, ça peut être avec l'environnement, le travail, etc. Mais ça a à voir quand même avec quelque chose que l'on ressent avec nous-mêmes. Mais quand on est dans le burn-out parental, les conséquences sont que... Sociétalement parlant, c'est quelque chose de phénoménal. Mmh. Puisqu'on s'était dit, et beaucoup de générations se sont dit, nous ne ferons pas les mêmes erreurs que nos parents. Pour ma part, mes enfants ont maintenant 42 et 44 ans. J'ai mémoire qu'il y a 12-13 ans en arrière, quand ils avaient leur petit tout petit, ils m'avaient répondu, parce qu'ils m'avaient dit « Oh, mais j'ai pas fait ça comme il faut ». J'avais répondu « Mais chacun fait ses erreurs, vous ferez les vôtres. Mm-hmm. Moi, j'ai fait les miennes ». Et ils m'ont répondu « Ah non, non, nous, on fera pas des erreurs comme toi ». Donc, ça voulait dire qu'eux n'allaient pas faire d'erreur. Alors maintenant, 10 ans plus tard, je peux te dire que non, le langage n'est pas le même, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses... Les erreurs, ce qu'il y a dans l'éducation, c'est qu'on ne les voit pas quand on est dedans. Mmh. On les voit seulement avec l'effet boomerang, c'est-à-dire 10, 15, 20 ans après. On croyait bien faire, par exemple, typiquement l'éducation des années 70, où on disait à l'enfant « tu choisis, je t'écoute ». Pour m'être occupée de personnes en difficulté, le nombre de gens que j'ai rencontrés, qui n'avait pas eu de cadre à ce niveau-là et qui était incapable, mais incapable de se structurer dans la vie parce que on leur avait toujours dit mais pense à toi, te faire plaisir. Alors il y avait eu ce côté les autres n'existent pas, donc qu'on donne à l'enfant, ce qui est très drôle. Hein. Et à un moment donné, l'enfant il est perdu, complètement perdu parce qu'il n'a pas de barrière, il n'a pas de limite, il a rien du tout et ça va dans tous les sens. Donc on se rend compte que toute éducation comme l'est celle qui est actuelle, qui est soi-disant très tournée vers l'enfant, vers l'écoute et tout, elle y est trop. On va toujours dans l'extrême. C'est ça. Et puis en plus, quand on ne supporte plus l'être chéri que l'on a, voilà, qu'on l'on a voulu, qu'on n'arrive plus à le choyer, je pense qu'il y a une culpabilité énorme. Bah oui. Et je pense qu'il vient de là, ce tabou, quoi. Ah oui, parce que on peut ne plus chérir la personne avec qui on a fait l'enfant et divorcer. Mais un enfant, on ne peut pas divorcer. C'est ça. On va écouter Slimane, Résister. Nous revoilà en direct. Donc ce sujet, le burn-out parental, qui est extrêmement tabou, ça on va vraiment pas se mentir, est probablement un sujet qui n'est pas abordé à cause de la culpabilité, jusque-là j'entends très bien, et qui en même temps est un sujet qui ne peut pas être abordé parce qu'il pourrait être considéré comme quelque part une maladie. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Par rapport au burn-out qui est une tendance de société, à partir du moment où on arrive à prendre du recul, à comprendre que ces comportements qu'on peut avoir ne nous appartiennent pas, je dirais, on pourrait prendre une métaphore. Si on me met un bandeau sur les yeux, je vais me cogner partout. Mais c'est pas moi qui me cogne, c'est le bandeau que j'ai sur les yeux qui fait que je me cogne partout. Donc si on arrive à prendre de la distance par rapport à la société et à comprendre que c'est elle qui nous induit, c'est probablement un travail, à mon sens, qui doit être accompagné par une thérapeute. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein. Au bout d'un moment, c'est sûr que quand il y a des gros dysfonctionnements, il faut admettre qu'on ne peut plus gérer soi-même. Et n'hésitez pas à vous tourner vers des associations, des réseaux, des thérapeutes. Bien sûr, au contraire, c'est un pas vers le mieux, énorme pas vers le mieux. Une écoute, allez en tout cas vers une écoute bienveillante, une écoute qui est vraiment importante. Les personnes que j'ai rencontrées qui ont bien voulu me parler hors de l'antenne, hein, bien sûr, m'ont dit qu'elles avaient toutes consulté, elles avaient fait une thérapie assez longue de plus d'une année pour arriver, et je leur ai demandé, mais c'était comment après ? Eh bien, j'ai de nouveau, elles ont eu le sourire tout de suite qui est arrivé sur leur visage, elles ont dit, j'ai de nouveau apprécié d'être avec mes enfants, après avoir accepté que je ne pouvais pas être tout le temps avec eux. Donc on avait parlé des parents hélicoptères, parents drones, parents curling, et cette personne m'a dit « Oh, mais il y en a encore beaucoup d'autres, il y a la parent pieuvre. Parent pieuvre. » Alors vous imaginez une pieuvre, donc vous êtes imaginé un hélicoptère au-dessus, là, voilà, un drone, celui qui surveille tout et qui veut que tout soit vraiment contrôlé, le curling, celui qui prépare le terrain à son enfant, qui... Puisque en termes de curling, il y a quelqu'un qui frotte la glace avant d'envoyer le palet pour qu'il aille dans la bonne direction. Donc un parent qui aide tout le temps en dessous. Et puis le pieuvre, c'est un parent qui a 10 000 mains. Donc on imagine un parent qui a 10 000 mains. Et j'ai vu passer sur les réseaux quelque chose aussi... Je ne sais pas si c'est encore entendu. Il faudrait que je pose la question à des parents. Ben, peut-être, Lia, toi, tu sauras mieux me répondre. Mais vu que les enfants sont très doués, on est d'accord avec les portables, hein. Ils sont doués avec ça. Ah ben ça. Voilà. Ils doivent savoir faire fonctionner un aspirateur, une machine à laver. Tout à fait. Moi, j'hésite pas à demander à mes enfants de plier le linge, d'étendre la lessive, de faire la vaisselle. Avant, j'étais un petit peu, trop incisive. Je fais tout à la maison. Je pense qu'on l'a tout dit à un moment donné. Faut quand même être honnête avec soi-même. Je suis pas la boniche ici. J'en ai ras-le-bol de tout faire. Le taxi, la psy, la maîtresse d'école, parce que la charge des devoirs, c'est quand même un truc de fou. Où on se tape une heure et demie de devoir après une journée de boulot, le gamin il vient de rentrer à 18h parce qu'on a seulement pu le récupérer à ce moment-là, on doit préparer le repas, on peut pas manger avant 20h30 parce qu'il fallait se taper 2h de devoir. Franchement, je les ai fait aller à leur place. Oui, parce alors que j'en là, pouvais plus. Voilà, c'est là qu'on en vient aux parents pieuvres, il fait les devoirs à la place de l'enfant. Parce qu'on veut gagner du temps, on n'en peut plus, a envie de manger, il est 20h30. C'est ça. Et après manger, on a surtout envie d'aller se coucher. C'est ça. Parce qu'on est fatigué. Mais aujourd'hui, j'hésite pas. Alors, mes enfants, ils sont pas emballés, hein, quand je leur demande de faire des tâches ménagères, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai rencontré des parents qui se disent, oh, la vache, et qui ont des enfants grands, hein, qui se disent, oh, la vache, ouais, c'est vrai que je pourrais peut-être leur demander. Oh, oui. Donc, c'est compliqué. Mais mes enfants, je leur explique bien, tu sais, moi aussi, j'ai ma journée, je comprends que tu aies eu une journée compliquée, que l'école, je me rappelle de l'école, etc. et tout. Il n'y a pas de souci, mais on vit ensemble. Filez-moi un coup de main, j'en peux plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que de tout vouloir chapeauter, c'est et malsain pour soi, parce que on en a marre, là, vraiment, ça déborde, et malsain pour l'enfant, parce qu'il ne comprend pas pourquoi on déborde. C'est ça. Il ne comprend pas. L'enfant, il se dit, maman, elle a toujours dit qu'elle faisait tout, pourquoi elle déborde ? Tandis que si on anticipe un peu et qu'on explique, effectivement... Alors, j'ai été loin d'être une maman, super. J'étais des années 80, donc c'est un petit peu... j'étais un peu beaucoup rude, on va dire ça comme ça. sans vouloir s'étaler, seulement je me souviens d'un moment assez fort. J'avais beaucoup à faire et puis bon, j'avais eu des graves problèmes de santé et tout. Et mon fils avait 14 ans et un jour, il avait des petites consoles déjà, hein, même que c'était en 94, tu vois. Et je lui dis, mais je vais te montrer un outil informatique qui est très bien. Il me dit, bon, ok. On va dans la laverie, donc dans l'endroit où il y avait le lave-linge et tout, et je lui explique, voilà, tu vois, regarde, là, tu presses sur les boutons, hein, machin, blanc, truc et tout. Ah ouais, oh, boum. Je dis, bah écoute, c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, ce que je te propose, c'est tes lessives, tu te débrouilles. Mmh. Alors, t'essayes de mettre les couleurs ensemble, les blancs ensemble. Mmh. Bon, là, j'ai parlé dans le vide, hein, parce qu'il a toujours tout mis en même temps. Et tu étends le linge. Alors là, il a pas non plus, j'ai parlé dans le vide. Il le mettait à plat dans sa chambre par terre et le sale dans un bidon en métal. Et un jour, je lui dis, mais c'est quoi ce chantier dans ta chambre, tout à plat comme ça? Mais maman, ça sèche, je les retourne deux, trois fois, ça sèche très bien. Et c'est très hygiénique. Le sale est dans un bidon en métal. Donc, c'est très drôle. Par contre, mon fils qui a 44 ans maintenant, il aide sa compagne, il s'occupe de l'enfant, il fait à manger, mais il a quand même reçu une éducation qui était à la hauteur de ce côté-là. Il faut déculpabiliser là-dessus, hein. Au contraire, on leur rend service à nos enfants quand on fait ça. Moi, je parle, j'ai mon fils à 17 et l'autre 14 ans, hein. Je plante un peu le contexte, bien sûr, quand on a des enfants de 4 ans, 3 ans, 2 ans, c'est impossible. Oh, mais quand même, mais hein. On peut commencer à faire 2-3 petites choses avec eux, il n'y a pas de problème. Quand mes enfants, j'ai 4 enfants, quand les deux plus grands étaient encore à la maison et qu'ils avaient besoin de quelque chose, moi, ça a tout de suite été clair, tout de suite. S'ils avaient besoin de faire du linge, ils faisaient leur lessive. Je n'allais plus dans leur chambre amasser leur linge sale pour faire leur lessive. C'est ça. Et puis, ben, s'ils avaient plus de linge, bah, ok, désolé, mon grand, fais ta lessive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Voilà, c'est aussi leur rendre service, quoi. C'est ça. C'est leur montrer quand même qu'une organisation, c'est important dans une maison et que chacun y contribue. Et c'est vrai que ça amène beaucoup de compétences transversales dans le sens où ils sont plus attentionnés, ils aident quand il y a quelqu'un à la maison, ils sont serviables, ils voilà. Après, on n'est pas là en train de donner des leçons, hein, pas du tout. Chacun fait bien comme il veut. Moi, mon fils, ça fait 2-3 semaines qu'il me demande d'aller chercher quelque chose au magasin. Ça fait 2-3 semaines que je lui dis, c'est pas que j'ai pas envie, mon grand, je te jure. C'est juste là, je peux pas. Ça rentre pas dans mon emploi du temps, quoi. Mmh. Et ben, c'est tout. Et ça leur apprend aussi à gérer la frustration. Oui, parce que là, on en avait discuté il y a un sujet. La frustration, c'est quand même un sentiment qu'il est plus sain de ressentir au sein de sa famille et de l'amour plutôt que dans le monde étranger extérieur. Tout à fait. Voilà, là on va écouter un témoignage sur le burn-out parental et à quel point c'est tabou. Tu choisis le coloriage ? Lequel tu veux faire ? Celui-là ? Toilette ? Petit oiseau ? Il y a 2 ans, la naissance de Paul a été l'un des plus beaux moments de la vie de Mylène. Enfin, c'était très fort, quoi, quand il est né, une grande joie, voilà, beaucoup d'émotions, forcément, pour le papa et moi, on était très heureux. Nuit blanche, grosse fatigue, très vite elle découvre avec son compagnon l'autre face de la néoparentalité. Un peu bout du rouleau, ouais. Un peu dans le gaz toute la journée, si on peut dire. On lutte. Et du coup, la priorité, c'est de s'occuper de son enfant, déjà. Et puis après, le reste, c'est accessoire, quoi. C'est pas chaud, celui-là. Mylène a vécu ce que l'on appelle l'épuisement parental. Un phénomène encore tabou chez de nombreux parents. J'ai l'impression que les parents n'osent pas parler des difficultés qu'ils rencontrent, parce que peut-être qu'ils se disent je vais être jugé mauvais parent, je vais pas dire que je galère parce que je veux pas me sentir en échec. Il n'existe pas en France de chiffres officiels sur l'épuisement parental. Longtemps tabou, le phénomène est aujourd'hui de plus en plus connu et reconnu. Burnout parental ou la tyrannie de l'exigence. Burnout maternel, quand on ne supporte plus ses enfants. Depuis quelques mois, les articles traitant le sujet fleurissent dans la presse. Pour trouver un peu de réconfort, Mylène vient 2 fois par semaine avec son fils dans cette association. On est combien aujourd'hui ? Nombreux, hein ? Pendant que les enfants jouent, les parents soufflent autour d'un café ou d'un thé. Le lundi, on est content de venir. Ça fait un petit moment de répit. Ouais. L'île aux familles, c'est un refuge pour papa et maman qui craignent de faire naufrage. Comme Christelle, 44 ans et 2 enfants.

Bah, il y a le réseau de parentalité, hein, voilà. De Remiremont et de ses vallées. Vous pouvez retrouver ces informations sur Internet, que je vous donnerai un petit peu plus tard parce que je n'ai pas anticipé cette question, donc je n'ai pas l'information sous les yeux. Mais moi, par contre, ce que j'ai relevé, tout de suite, je me suis dit, à mon avis, les femmes au foyer, elles doivent quand même être vachement impactées par ce syndrome d'épuisement parental. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler, ça m'a changé la vie. C'est ça. J'ai mis mes enfants à la cantine. Il y avait des gens qui les récupéraient le soir si jamais j'étais pas là. Et encore, j'ai eu de la chance d'avoir un employeur qui aménageait mes horaires. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on est à la maison, on en avait parlé ensemble. Oui. Bah, c'est horrible parce qu'on est tout le temps dans ce quotidien-là, avec nous-mêmes, sans voir personne. Il n'y a plus d'air. On ne peut plus respirer. Parce qu'il se chevauche beaucoup de choses. Quand une femme est au foyer, il y aura la dépression postpartum qui risque d'arriver. Hein, parce que si elle est au foyer, ça va pas être simple au départ. Ensuite de ça, il y aura le burn-out en soi, parce que le burn-out en soi peut très bien être créé par un manque d'occupation, hein. C'est très ambigu, je tiens à le préciser dans ce cadre-là. C'est que le burn-out, c'est vraiment l'épuisement, c'est vraiment de la pression sur le long terme. Alors imaginons, je suis au foyer. J'avais une vie active avant, un métier qui me passionnait. Je reste à la maison parce que mentalement, j'ai calculé qu'effectivement, je désire cet enfant et je désire l'éduquer et je désire faire un break dans ma carrière professionnelle par rapport à ce qui me passionnait parce que je veux le consacrer à mon enfant. Ça peut être indirectement une très grosse pression sur une personne qui peut développer un épuisement total parce que ce stress d'être piégé, qui est un des premiers symptômes de l'épuisement, d'être piégé dans une situation qu'elle a bien calculée, que son mental a bien calculée. Seulement entre calculer et le vivre, c'est très différent. Oui. Et pour en revenir avec cette notion d'aide là, moi aussi j'avais très peur de me tourner vers un organisme parce qu'on a toujours peur en fait des conséquences, que ça aille beaucoup trop loin, qu'on nous retire nos enfants en fait, pour parler concrètement. Et moi j'ai eu la chance, entre guillemets, et je l'avais très mal pris sur le moment, j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, donc j'ai tout de suite quelqu'un de la PMI qui est venu à la maison pour voir comment ça se passait, donc j'ai très très mal pris au début, parce que je me suis dit ça veut dire quoi, c'est parce que je suis maman à 16 ans que vous me regardez de près. Et en fait, cette femme m'a accompagnée pendant 2 ans. Elle venait à la maison. Donc j'avais pas besoin de me déplacer, ça tombait bien parce que j'avais pas le permis. Et elle m'a beaucoup aidée dans l'écoute, la bienveillance et le non-jugement. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai toujours pas oublié 21 ans après. C'est pas grave si vous pleurez devant vos enfants. Oh, c'est beau ça. Parce qu'en fait, c'est la vie. Les parents aussi, ils pleurent. Oui. Et c'est bien de montrer à ses enfants qu'un papa et une maman, eux aussi, ils ont leur tristesse. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils définissent les parents drones. C'est les parents qui ne veulent que des enfants avec des émotions positives. Oui. J'ai dans mon entourage cet exemple. C'est très délétère, c'est très mauvais. Oui. C'est donc j'ai retrouvé le réseau de parentalité de Remiremont et de ses vallées. Donc le contact, c'est le 06 41 40 98 06. Réseau parentalité de Remiremont et ses vallées. La page Facebook existe. Ils ont également un site internet, donc parentalité Remiremont Vallée. Vous tapez réseau de parentalité de Remiremont et ses vallées, vous allez tout de suite trouver, c'est certain. Si vous n'êtes pas à l'aise pour appeler quelqu'un, vous pouvez envoyer un mail. Ils organisent aussi beaucoup d'événements liés à la parentalité sur plein d'aspects différents. Ils ont des groupes de parole, des activités enfants, ça jonche aussi le handicap, etc. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est une des pistes, mais vous en avez peut-être d'autres, et n'hésitez pas à nous donner l'information pour qu'on puisse le partager avec d'autres parents, par exemple. Oui, c'est très important de trouver de l'aide. Une petite pause musicale, et puis nous allons clore cette émission. Reste tout près de moi. besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde. C'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent. Voilà, nous revoilà à l'antenne avec cette conclusion que ce sujet d'épuisement est un sujet tabou dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en parler? Où est-ce que c'est utile d'en parler? En tous les cas, ça, c'est un premier point. Mais le point essentiel, c'est d'aller chercher de l'aide. Tout à fait. Ça, c'est, à mon avis, essentiel. Pour les parents, il y a beaucoup de manières de chercher de l'aide. Il y a beaucoup d'associations qui se consacrent à ça. Il y a SOS Maman aussi. Il y a... Oui, maman, pour les mamans qui viennent d'accoucher. Donc, c'est une association qui peut venir à la maternité, qui peut venir à la maison au début, apporter des repas. Et tout ça aussi, ça se passe sur le réseau de parentalité de Remiremont et ses vallées. C'est parce qu'en fait, cette association regroupe... Enfin, c'est un organisme qui regroupe énormément d'associations. Ils sont vraiment très, très nombreux. Mmh. Et ils vont forcément vous indiquer l'association qui peut vous convenir. Et je pense qu'on peut même étendre ça pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas de la région. Bien sûr. Dans toute la France, il y a des associations qui soutiennent les parents, qui sont là. Il suffit juste de chercher ce renseignement, surtout avec Internet, c'est assez simple. N'hésitez pas à contacter votre mairie le centre social de votre quartier. Il y a forcément quelque chose quelque part, forcément. Donc c'est un sujet lié à l'association Ralentir pour vivre est courageuse. Mais oui, c'est vrai. Courageuse. Maintenant, les retours qu'on a de personnes qui ont réussi à parler, donc on fait un appel aussi pour des témoignages. N'hésitez pas à nous contacter sur le site ralentirpourvivre.org à l'onglet contact. Vous pouvez nous laisser un message pour faire des témoignages ou pour parler. Parce que par rapport au burn-out parental, on ne cherche pas à demander des témoignages parce qu'on a bien compris en faisant notre recherche autour que les personnes qui étaient en burn-out parental, ça ne s'arrêtait pas facilement et qu'on n'en parlait pas. Mais au moins, parler peut-être de comment on a vécu l'éducation de grands-parents, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, ou de personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage, comment ils le voient, comment ils le perçoivent. Et aussi parler de l'épuisement en règle générale, les témoignages sont importants parce qu'une fois qu'on a témoigné, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, ça fait 2 ans qu'on collabore avec Radio Gémozo pour faire « Il était une fois le burn-out le dimanche », qui aura lieu d'ailleurs le dimanche 13 avec un petit, très court témoignage de, d'une maman dans un burn-out parental, ce qu'elle a vécu. Elle en a, elle en parle pas trop trop, mais enfin, ça donnera une idée. Et donc, on a beaucoup de témoignages sur notre site, sur l'onglet, donc, activité, il était une fois le burn-out, l'émission. Et là, vous pouvez trouver tous les témoignages. Et toutes les personnes qui ont témoigné ont toutes fait la même réflexion. Ça les a, sur le moment, un petit peu interpellé, parce que les témoignages, comme on les fait, on pose toujours les mêmes questions. Donc, c'est pas personnel. On ne raconte pas sa vie personnellement. On pose toujours les mêmes questions de fond. Seulement, ça leur a fait un bien fou, comme si c'était la dernière étape pour passer, pour être résilient du burn-out, pour passer à une reconstruction vraiment solide. Donc, je pense que témoigner, c'est extrêmement important. Et parfois, dans son entourage, on ne se sent pas soutenu parce que les gens jugent, en fait. Oui, mais tu devrais faire comme ci, oui, mais tu devrais faire comme ça. Alors, ben voilà, les gens qui le font sûrement très maladroitement. C'est pour ça qu'aller chercher de l'aide, une aide objective, voilà, un thérapeute, un centre social, une association, ben ça peut faire du bien parce que justement, il n'y a pas cette notion de jugement, de conseil un petit peu mal placé. Et j'ai lu quelque chose sur Internet la dernière fois qui m'a vraiment fait du bien et qui m'a interpellée. Ne dites pas à une maman qu'elle a l'air fatiguée car elle le sait déjà. Dites-lui plutôt qu'elle fait de son mieux car ça, elle ne le sait peut-être pas encore. Oh, alors là, franchement, Lia, c'est beau, j'en ai les frissons, là. Bah oui, hein. C'est vraiment beau, effectivement. Encourageons-nous. Oui, voilà. Et c'est très réel, ça. C'est vraiment quelque chose qui touche. Et on peut faire le biais aussi, oui. Hein, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre mail ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Si vous êtes une maman ou un papa qui pense être en syndrome d'épuisement parental, on pourra aussi faire le lien avec les associations ou Catherine dans son association à elle. Voilà, et je propose à Lia de nous répéter ce que tu viens de dire et on va clore avec ça. Ne dites pas à une maman qu'elle a l'air fatiguée car elle le sait déjà. Dites-lui plutôt qu'elle fait de son mieux car ça, elle ne le sait encore peut-être pas. Très bien. Nous nous retrouverons donc le mardi 15 octobre pour À Contre-temps, c'est à vous en direct. Je vous souhaite une bonne après-midi, chères auditrices et auditeurs. À tout bientôt.